Bon, alors pour notre dernière intervention de la journée, on va accueillir Raoul et Philippe qui viennent nous poser la question « Quelle société post-capitaliste ?» Oui, bien sûr. Voilà, bonjour à tous. Le thème est donc « Quelle société, quelle nouvelle société ?» Post-capitaliste, c'est-à-dire on part du principe que la nouvelle société sera post-capitaliste. Et l'objet est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette société, quel est son contenu. Nous considérons comme acquis le fait que le capitalisme doit être dépassé, que c'est une urgence et qu'il conduit aujourd'hui à un désastre planétaire. Il suffit de rappeler quelques éléments immédiats, tels que Fukushima, la centrale atomique japonaise qui continue tous les jours à verser de l'eau radioactive et empoisonner l'océan Pacifique, ou de rappeler la guerre en Syrie, qui est une véritable boucherie où toutes les puissances, et toutes les locales et internationales, se livrent à un massacre inouï, ou de rappeler simplement le drame actuel, la tragédie des immigrés, ou le problème du chômage qui devient massif et chronique dans toute une partie du monde. Pour tout cela, il est clair que la future société, si on a une, devrait être post-capitaliste. Je voudrais juste citer un testard, un anthropologue, puisqu'on en parlait, mais il disait quelque chose comme constater que l'homme est la seule espèce qui est capable de se détruire elle-même, de détruire en plus toutes les autres espèces, mais sans l'avoir décidé. Et s'il ne peut pas le décider, et s'il ne l'a pas décidé, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui tient à sa nature humaine, spécifique, mais au fait qu'il est dominé par un système totalement inhumain, qui est le système capitaliste. Mais il ne suffit pas de dire on est contre le système capitaliste et de constater que ça a conduit à un désastre. Encore faut-il savoir à quoi peut ressembler cette future société. Je pense que c'est à cause de ça qu'on retrouve aujourd'hui le mot utopie de plus en plus. Il y a même un mouvement qui s'appelle Utopie Debout, qui revendique de nouveau ce terme. L'idée d'utopie, l'idée de rêver d'une société meilleure, même d'une société idéale, est très vieille. On retrouve déjà des réflexions sur la société, sur une société idéale des Platons. Mais il faut distinguer, si vous voulez, je le ferai ça rapidement, mais il faut distinguer deux types d'utopies qui ont existé. Les premières, qui vont de Platon jusqu'au XIXe siècle, sont essentiellement des utopies qui servent aux philosophes et aux penseurs comme un moyen de critiquer la société existante et de mettre un modèle idéal simplement pour montrer à quel point est aberrante la société existante. Le mot utopie vient de Thomas More, l'anglais, qui avait créé ce mot utopie qui veut dire en dehors de tout lieu. Mais à la même époque, à la Renaissance, on va trouver aussi d'autres utopistes tels que Rabelais ou Francis Bacon ou Campanella en Italie, qui vont tous essayer de définir cette société. Mais ça reste abstrait et il n'y a pas l'idée de véritablement vouloir construire quelque chose. Vous voulez dire quelque chose ? C'était juste pour dire que ça fait 500 ans que Thomas More a écrit l'utopie et toute la réflexion de la critique sur la société anglaise. Et donc, on l'a pas trop dit, comme on n'a pas trop dit en 2001 que ça faisait 100 ans que les associations loi de 1901 avaient été instaurées. On n'a pas fait une grande fête nationale, ce qui aurait mérité de le faire. Et je pense qu'il faut utiliser les dates plutôt que de se faire utiliser par elles. Voilà. Un petit complément, puisqu'on peut t'interrompre tout en respectant ton cours. Ben, au XIXe siècle, il y a encore un autre mouvement d'utopie. Ce sont les utopistes du XIXe siècle qui, eux, vont avoir une idée beaucoup plus concrète. Il ne s'agit pas simplement d'inventer une société idéale pour critiquer la société actuelle. Il faut une grosse, terrible critique du capitalisme. Mais ils mettent déjà des projets à réaliser. Mais dans l'ensemble, ces projets sont des projets qui vont rester minoritaires, qui sont vus comme des tentatives de créer soit des phalanstères, soit des communautés à différents endroits. On connaît les noms, Owen, Fourier, Cavé, des amis qui essayent et se lancent dans des pratiques pour essayer de réaliser une société non capitaliste. Dans l'ensemble, ces tentatives ont abouti à des échecs. En particulier aux États-Unis, il y a eu beaucoup de communautés qui ont été créées et qui finissent en général de façon dramatique parce qu'elles sont isolées et parce que les conditions ne sont pas encore véritablement mûres. Et surtout, ça se pose comme l'action de quelques individus, quelques éléments qui doivent tenter quelque chose d'isolé du reste. Ce n'est pas la vision d'un mouvement social qui bouleverse le capitalisme et qui réinvente et qui crée une nouvelle société. Marx et Engels ont fait beaucoup de critiques de ces socialistes utopiques, tout en les saluant, en faisant remarquer qu'ils avaient développé des critiques extrêmement profondes et acerbes du capitalisme. En particulier, ils citent Fourier, puisqu'on parlait tout à l'heure du féminisme. C'est lui qui avait cette phrase magnifique qui disait « On mesure le degré de civilisation d'une société au niveau et au statut qu'elle donne aux femmes ». Et Marx et Engels saluent cette pensée et la profondeur de cette... Mais eux-mêmes vont rester très prudents sur la question et disent qu'il est très difficile de prévoir ce que sera vraiment une société non capitaliste achevée, développée. D'une part parce que les hommes auront changé, d'autre part parce que les conditions matérielles elles-mêmes auront changé et qu'il est dangereux, comme disait Marx, de se lancer à faire des recettes pour les marmites de l'avenir. Ceci dit, ça c'était il y a un siècle. Depuis, nous avons quand même beaucoup d'éléments qui permettent d'aller un peu plus loin, même si on ne peut pas rentrer dans les détails, que ce serait absurde de chercher à rentrer dans les détails comme le faisaient les utopistes du 19e siècle. Il y a quand même quelques éléments fondamentaux qu'on peut tirer. Et puis d'abord, déjà, on a une expérience historique. Il y a eu toute l'expérience horrible du 20e siècle, en particulier de ce qu'on appelle le socialisme réel, la Russie, la Chine, etc., où finalement, quand on croyait que le dépassement du capitalisme, c'était simplement la planification ou l'étatisation, en fait, on a abouti simplement à un capitalisme féroce, un capitalisme d'État. On peut donc aujourd'hui déjà avoir des aspects négatifs, savoir au moins ce que ce n'est pas. Nous avons en outre aujourd'hui un énorme développement économique, industriel, technologique qui s'est fait depuis cette époque-là. Et ces éléments permettent de voir aujourd'hui avec plus de facilité, avec plus de possibilités, ce que peut être cette nouvelle société. Une remarque tout d'abord, avant d'aller plus loin, c'est ce dont il s'agit de discuter, ce n'est pas de comment on arrive à une telle société. Cette question existe et il n'y a pas de problème. Mais la question c'est d'abord de savoir quelle société on veut. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'une telle société? Certains disent, mais pourquoi, à quoi ça sert de rêver d'une société achevée, future, déjà, non capitaliste, si on ne sait pas les moyens pour pouvoir y parvenir? Mais l'inverse aussi est extrêmement dangereux. Comment savoir où aller, comment savoir comment se battre, si l'on ne sait pas où on va? Si nous n'avons pas un but, si nous n'avons pas une idée sur l'objectif que nous cherchons, il est impossible de savoir qu'est-ce qui est bon, quelle est la façon de lutter, comment agir pour aller vers une telle société. Nous sommes au 21e siècle, d'accord? Tout à l'heure, vous avez parlé d'utopie. J'ai beaucoup lu Marx et Engels, en fait, notamment dans le manifeste du Parti communiste, de Karl Marx et Engels. Nous sommes au 21e siècle, il n'y a que les jeunes, beaucoup trop de jeunes ici. Vous, en tant que, vous qui nous présentez un peu ce thème, à quelle société vous croyez? Là, maintenant, on est au 21e siècle. Pardon? Voilà, ça que je sache. Voilà, merci. C'est ce qu'on va essayer justement de développer. Voilà. Donc, quel est le point de départ et qu'est-ce qu'on peut prendre comme point de départ pour ne pas partir dans des spéculations gratuites? Le point de départ est simplement le capitalisme et de savoir qu'est-ce que c'est le capitalisme. Et j'accentuerai essentiellement deux points principaux qui sont spécifiques du système. Le capitalisme n'est pas un système ou le seul système d'exploitation. Avant lui, il y a eu le féodalisme, il y a eu l'esclavagisme, et le capitalisme partage beaucoup d'aspects avec eux, l'oppression, la division de la société en classes, l'existence d'un État, etc. Mais ce qui est spécifique du capitalisme, c'est ces deux éléments essentiels. Que le but de la production est le profit en lui-même. Ce n'est pas simplement la consommation de la classe dominante, c'est le profit même, le revenu de la classe dominante est lui-même dépendant de la capacité du capital de engendrer du profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de production. On entend beaucoup dire aujourd'hui, par exemple, que le capitalisme, c'est la production pour la production. Ce n'est pas vrai. Ce serait bien si c'était production pour production. Il y aurait peut-être trop de biens, mais on n'aurait pas de faim, il n'y aurait pas de chômage. Fondamentalement, s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de production. Les grandes crises économiques qui se produisent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens matériels ou parce qu'il y a des problèmes climatiques comme par le passé. C'est parce que simplement, c'est une mécanique du système que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de production véritablement. Donc c'est ce premier point, le but de la production. Le deuxième élément, c'est le salariat, qui est différent de tous les autres. Dans le féodalisme, dans l'esclavagisme, l'esclave était nourri comme un animal, comme une vache, comme un cheval de trait, qui travaille bien, qui travaille mal, il était nourri comme un animal. Dans le féodalisme, la rétribution du travailleur est faite sous la forme d'un partage. Il y a une partie qui lui revient de ce qu'il a produit et une autre qui va au seigneur. Dans le capitalisme, ce qui est spécifique, c'est que c'est le salariat, c'est-à-dire le travailleur, le producteur reçoit l'équivalent de la valeur d'une marchandise, et cette marchandise, c'est sa valeur, la valeur de sa force de travail. Donc, on peut, sur ces deux éléments, baser l'aspect essentiel de ce qui définira et qui doit définir une société future non capitaliste, c'est que la production n'est plus faite en fonction du profit, mais en fonction des besoins humains, et que le salariat, la rétribution des producteurs, n'est plus faite suivant la valeur de sa force de travail. Voilà. Donc une société post-capitaliste veut dire, comme on le voit, essentiellement d'abord le fait que le profit n'est pas le but de la production. Qu'est-ce que ça veut dire alors, et quel est le but alors de la production? Et essentiellement, le but de la production devient la satisfaction des besoins humains. Le capitalisme vit sous une logique marchande où tout se vend et tout s'achète. Une société non capitaliste est une société dans laquelle l'ensemble de la société prend en main les moyens de production, prend ensemble le contrôle de la production et ne produit plus des marchandises. Il ne produit pas des valeurs d'échange, il va produire des valeurs d'usage. On ne produit pas un bien parce qu'il se vend et parce qu'il rapporte, on produira des biens parce qu'ils correspondent à des besoins humains, à des besoins véritables de la société, et c'est le seul et exclusif critère qui devra exister. C'est une première caractéristique qui est essentielle. Quand on voit par exemple ce qui se posait dans les pays de l'Est, ou les soi-disant socialisme réel, ce n'était pas ça, la marchandise est restée, le commerce est resté, les valeurs sont restées, le salariat est resté. Ouais. Mais ici, c'est justement la première définition et caractéristique, ça va être justement le contraire, c'est-à-dire on produit essentiellement pour satisfaire les besoins de l'humanité. Deuxième aspect, c'est le dépassement du salariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rétribution de chaque producteur sera faite non pas en fonction d'une valeur marchande, mais en fonction des besoins des hommes. Les besoins de chacun, les besoins de chaque individu deviendront le seul critère et le seul but de la production. Sinon, on retombe dans le capitalisme. Alors, on dira, mais la consommation est le but, mais ça va devenir aussi la mesure de ce qui est produit et de la quantité qui est produite. On retrouve ici, en fait, le vieux principe du communisme, du vieux communisme, du vrai communisme tel qu'il était défini justement au 19e siècle, qui disait à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens ou de ses capacités. On produira en fonction des besoins et chacun aura comme rétribution la satisfaction de ses besoins. Et pour critiquer un peu cette formule, on a souvent dit, mais les besoins des hommes sont infinis. Les besoins des hommes, ça peut être très grand. Or, la terre est finie. Les moyens de produire sont finis. Donc, c'est déjà une utopie et c'est impossible qu'on puisse faire une telle réalisation. Mais le problème, c'est que on envisage ça avec la mentalité et la vision de la société capitaliste actuelle. Aujourd'hui, par exemple, on considère comme rationnel un des arguments qui est le plus dit, c'est si on devait élever le niveau de vie de l'ensemble de la population mondiale au niveau du niveau de vie des Américains actuellement, on aurait besoin de 4 fois la planète. Et donc, c'est impossible une société où les hommes pourraient être... où on pourrait produire en fonction des besoins des hommes. Mais le problème, c'est que quand on fait cette logique-là, on le fait dans la logique actuelle. C'est-à-dire avec un système qui est totalement irrationnel, même du point de vue strictement économique. Je prendrai par un exemple qui est assez parlant, c'est celui du pétrole. Le pétrole est un produit extrêmement polyvalent. Avec le pétrole, on peut faire des habits, on peut faire des plastiques, on peut faire... Et surtout, on peut faire des métaux, ou des biens qui remplacent les métaux, les fameux matériaux composites, qui permettent de remplacer l'acier ou le fer, et de façon souvent beaucoup plus commode, facile à traiter. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. De façon simplement, parce qu'il est bon marché, parce que souvent pour l'extraire, il suffit de le prendre à une surface faible, et... on le brûle. Avec une telle logique, il est normal et absurde qu'on ne puisse pas envisager la possibilité de satisfaire tous les besoins humains. Mais ce n'est pas le cas si véritablement on se débarrasse des problèmes de rentabilité et qu'on utilise le pétrole non pas en fonction de sa rentabilité capitaliste, mais en fonction des besoins humains et des véritables possibilités. Il en est de même de l'énergie nucléaire, qui est un non-sens total, qui est un suicide pour le moment, avec les moyens actuels, est un véritable suicide, mais qu'on applique parce qu'il y a une logique capitaliste. Il en serait de même pour les autres moyens, pour les autres matières premières, même pour l'eau, pour la terre, pour la nature. Le capitalisme exploite la nature comme l'exploite les hommes, c'est-à-dire sans limite, sans égard à aucune rationalité véritable du point de vue humain. C'est dans ce sens... Si nous avons une société qui est véritablement maîtresse d'elle-même, il y aura la possibilité véritablement d'avoir une production suffisante, surtout avec les nouvelles technologies, avec les moyens que nous avons, suffisante pour pouvoir dire à chacun selon ses besoins. Enfin, quelques mots sur le deuxième aspect de la formule, la vieille formule du communisme, quand on dit de chacun selon ses capacités. On voit aujourd'hui fleurir, et on le trouve souvent dans les pancartes ici même, la nécessité d'abolir le travail, contre le travail. Et c'est vrai qu'une société post-capitaliste devra abolir le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est-à-dire une activité d'exploitation, une activité aliénée, dans laquelle l'homme n'a aucune maîtrise sur ce qu'il fait, ni sur son produit, ni sur la façon de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne produira pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une activité productive importante. Mais cette activité productive deviendra volontaire, et elle devra être conçue et pratiquée de sorte que ça devienne un moyen d'auto-épanouissement, un moyen de coopération entre les hommes, et qu'à la fin, ça devienne, comme le dit Marx dans la critique du programme de Gotha, où cela devienne carrément le premier besoin vital, parce que c'est une activité qui est satisfaisante et qui est auto-réalisante. L'homme... Oui. Pardon ? On va bientôt passer au débat. Ah, d'accord. Okay. Je vais... oui. ça devient un peu loin, d'accord. Bien, alors on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la, tout ça pour dire, la caractéristique essentielle d'une véritable société post-capitaliste, c'est le fait qu'elle sera faite suivant le vieux principe, à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités. Voilà pour ce qui est des bases économiques. Il y a juste quelques mots à dire sur ce qui seront les bases de gouvernance politique. Comment une telle société peut se gouverner? Bien, ce qui apparaît, c'est que fondamentalement, il y a trois caractéristiques qu'on peut dire, même si on ne peut ici que les pointer. La première, c'est que les moyens de production, mais qui ne sont pas simplement les machines, mais qui sont aussi la science, le savoir, les techniques, deviendront patrimoine de toute l'humanité. Elles ne feront partie, elles ne seront plus la propriété d'un État, ni d'une compagnie privée, mais elles deviendront partie du commun, comme le ciel, comme l'atmosphère, comme les océans. C'est là la première condition pour qu'une telle société puisse exister. Le deuxième élément, c'est que cette gouvernance devra se faire de façon horizontale, collective, sans hiérarchie au sens de, qu'on a connu jusqu'à présent, et que cela se fera fondamentalement, comme beaucoup dit aujourd'hui, à partir du bas et non plus à partir du haut. Cette capacité de l'humanité à se prendre en main, à pouvoir se gouverner elle-même à partir du bas, est un autre élément fondamental de la gouvernance d'une société future. Et le troisième élément, c'est que cette gouvernance devrait être mondiale. Les idées de socialisme dans un seul pays ou de pouvoir dépasser véritablement le capitalisme dans une seule partie de la planète est une pure illusion. On ne pourra véritablement devenir maître et dépasser le capitalisme que dans une société qui a eu la capacité d'éliminer les nations, d'éliminer les patries et donc les guerres et tout ce qui en découle à un niveau planétaire. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est le seul moyen et c'est le seul, ces caractéristiques peuvent garantir que nous ne reviendrons pas à une société capitaliste. Enfin, dernier mot en conclusion, je voudrais dire qu'il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à donner. La mauvaise nouvelle, c'est que si on n'y parvient pas, si on ne parvient pas à se donner les moyens d'une telle société, nous allons vers une barbarie infinie et peut-être même à la fin de l'humanité, à une fin barbare de ce qu'est l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 30 ans, depuis maintenant plusieurs décennies, se développent à travers la révolution industrielle que nous voyons, des nouvelles formes de production, des nouvelles formes d'organisation qui portent en elles les éléments et beaucoup d'éléments essentiels de cette nouvelle société, à savoir des pratiques comme Wikipédia par exemple, ou les logiciels libres, sont l'expression déjà d'une pratique dans laquelle les hommes travaillent volontairement, pour le plaisir, créent un produit qui est gratuit, qui est distribué à tout le monde et auquel tout le monde peut avoir accès. Et enfin, c'est une organisation de la production qui est mondiale. Donc, c'est des éléments de germe, de base sur lesquels nous pourrons nous appuyer dans une société future. Voilà. On va passer au débat. Donc, si vous avez des questions, alors il y avait une première question là-bas. Oui, alors, d'abord merci de votre conférence. Alors, je voulais simplement faire une question et une remarque. D'abord, au départ, vous avez parlé par rapport aux utopies. Et grâce à Nuit debout, moi, j'ai découvert en fait une nouvelle utopie, une œuvre utopique de René Barjavel qui s'appelle La Nuit des temps. Et j'ai été absolument ébloui par cette utopie. Et puis avant La Nuit debout, j'avais découvert aussi celle de Fénelon dans Les Aventures de Télémaque, qui est aussi une superbe utopie. Donc souvent on parle de Thomas More, Platon, etc., mais en France il y a vraiment des chefs-d'œuvre dans le domaine de l'utopie. Et par rapport à quand vous dites en fait ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est se projeter vers où on veut aller et essayer de voir cette cité idéale, de la décrire, de la caractériser. Et ça, je trouve vraiment que c'est la question fondamentale. Mais en même temps, c'est tellement difficile, c'est tellement complexe, que je pense que la base de la nuit des temps peut être une bonne base. Parce que c'est une base, justement, où il imagine une société post-capitaliste. Où René Barjavel dit, j'ai essayé d'imaginer une société qui serait délivrée du capital, du travail et de l'argent. Et donc, on revient aux deux fondamentaux du capitalisme, qui est le salariat, à travers l'idée de la sacralisation du travail, et du profit, donc de l'argent, en fait. Tout ça pour faire un peu de pub pour René Barjavel. Et puis ensuite, par rapport à votre intervention, je voudrais exprimer certaines réserves. Alors la première, c'est que j'ai le sentiment que vous avez une approche un peu idéaliste, comme si finalement l'homme était maître de l'histoire et que c'était à lui c'est lui qui allait en fait construire cette utopie. Alors moi, je pense plutôt dans un sens marxiste que l'homme est plutôt un produit de, je dirais pas de la nature, mais en tout cas d'une force qui nous dépasse. Donc moi, je pense que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'imaginer ce qui va arriver. Mais je pense que ce qui va arriver est déjà écrit. À partir de là, problème, c'est que quand vous dites, en fait, il faudrait une société du besoin. Et moi, je pense que l'homme, par nature, il est effectivement amené à satisfaire ses besoins, mais c'est aussi un être de désir. Et les désirs sont infinis. Donc imaginez une société de la sobriété, limitée aux besoins, je crois que c'est une utopie. Je pense que l'homme débordera toujours de lui-même, ira toujours vers un désir. Maintenant, la question, c'est où orienter ce désir? Pas vers l'argent, pas vers le profit, mais vers l'art, vers la spiritualité, je ne sais pas, mais vers une autre direction. Mais ne pas oublier cette dimension du désir humain. Et puis, terminer, c'est la question de la gouvernance mondiale, où là, je vois une contradiction majeure, parce que vous dites que la société future doit être latérale, circulaire, émancipée de la domination de l'homme par l'homme. Donc moi, je partage tout à fait cette idée. Et en même temps, vous la faites sans État, plus d'État. Et en même temps, vous dites que tout le patrimoine universel sera entre les mains d'une gouvernance, donc d'un État mondial. Et l'idée même de gouvernance mondiale implique une domination. Donc là, je vois une contradiction qui est absolument complexe et redoutable à résoudre. Mais je voulais simplement la faire remarquer. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre ou si je passe à une autre question. Alors, moi, il me semble que ce qui compte dans l'histoire, c'est la manière dont on procède déjà maintenant pour appliquer des connaissances ou pas qui nous manquent ou qu'on a déjà acquis depuis le temps où ces utopies se sont définies. Autrement dit, le cycle frustration, désir, qui est basé quand même, par exemple, pour la consommation, société de consommation. On est quand même extrêmement frustré, on nous promet des situations semi-divines où on serait dans un panthéon avec piscine, sauna et divers bénéfices. Cette frustration, elle relève d'une vision de l'être humain très mécaniste du désir, justement, mis en machine libidinale, en machine de désir. Je suis en manque, on me satisfait, on me frustre, on me montre plus. Et déjà, je crois que la gouvernance du désir de soi, par exemple, se satisfaire juste d'une vision et non pas de l'avoir ou d'un partage, celui-là, je pense que ce qu'on vit là n'a pas de prix. On ne pourrait pas y fixer de la valeur ou alors une valeur peut-être, bien sûr, définie collectivement, enfin voilà, mais pas peut-être. Et ça pose la question de l'argent. Et moi, je voudrais livrer une réflexion qui m'est venue par un ami qui m'a dit finalement, l'alchimie, alors c'est un peu intello, mais l'alchimie de la pierre philosophale. Une pierre qui pourrait un peu transformer tout en tout. Mais quand on réfléchit, l'argent, le truc fou, c'est qu'on peut tout faire avec, personne ne nous demande rien. Je donne un exemple, si je suis millionnaire, c'est peut-être le cas, je peux acheter 500 voitures identiques ou un quartier entier et au dépend total de qui que ce soit sans aucune explication. C'est merveilleux la liberté. Hein. Sauf que j'espère juste qu'un jour, quel que soit le monde, il y ait des enfants qui demandent à leurs parents ou à leur arrière-grand-père, tu peux me raconter le jour où il y avait de l'argent, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec? C'est possible ça? On pouvait choisir un truc, on s'en foutait d'où ça venait, on s'en foutait d'où ça allait? Et que ça, c'est vraiment un point aveugle, total. Enfin, on parle de l'argent, la possession, bien sûr. Mais en fait, on a une énergie qui permet de transformer le monde, qui est l'argent. Et si on la rendait traçable, justifiable, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait, avec quoi, d'où ça vient, pour qui, comment? Alors c'est un peu du délire, hein, et ça peut faire peur à beaucoup de visions totalitaires, mais je crois que ça nous éveillerait un tout petit peu. Voilà. Donc c'est une contribution. Attention à la pierre philosophale, elle est délicieusement séductrice, mais qu'est-ce qu'elle ravage, les copains ? Voilà. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. Moi j'aurais quand même deux réserves à apporter à ce que vous avez dit. La première, c'est l'utilisation que vous faites du mot travail, que je conteste vigoureusement parce que vous l'utilisez dans un sens capitaliste encore en fait. Vous continuez à assimiler, enfin si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous continuez à assimiler dans votre discours le travail à l'emploi. Et c'est justement ce qu'a réussi à faire la société capitaliste et qui fait qu'aujourd'hui, on peut crier des slogans contre le travail. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, un ouvrier qui produit un bien travail, un professeur qui enseigne à des élèves travail, une personne qui fait du bénévolat travaille. Là, on travaille. Mais oui, si on veut, je veux dire, la production de richesse, l'idée c'est de se réapproprier au contraire ce mot de travail et de le délier de la notion d'emploi. Parce que dans notre façon de penser, malgré nous, on a tendance à considérer qu'un vrai travail, c'est un travail qui s'effectue dans le cadre de l'emploi. Et si on abandonne ce mot-là à l'idéologie capitaliste plutôt que de le réapproprier, lui donner un sens, enfin lui redonner son vrai sens en fait, si on lui abandonne ce mot-là, on a déjà un peu perdu, je crois. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à ce que vous dites de l'État. En dehors du fait qu'on puisse critiquer l'État sur l'aspect autoritaire qu'il peut avoir ou illégitime qu'on peut lui trouver à exercer son empire sur les individus et les groupes d'individus, on peut avoir des balais, il est très légitime certainement, mais ce qu'on oublie, c'est que quand vous dites dépasser l'État, finalement, et aller vers une gouvernance mondiale, et je rejoins la question de monsieur tout à l'heure, finalement, on imaginerait un système qui serait chargé d'être arbitre des puissances d'agir contradictoires. Mais ce système-là, en dernière instance, c'est rien d'autre qu'un État, finalement. Donc la question, c'est pas un État ou pas d'État. La question, c'est quel État et quelle structure. Vous parliez de forces qui sont plus fortes que nous et qui nous déterminent. Ces forces qui sont plus fortes que nous et qui nous déterminent, ce sont des structures. Des structures culturelles, je crois, des structures culturelles et matérielles parfois, et des structures physiques très concrètes, c'est-à-dire qui s'organisent sous la forme de d'institutions, d'exécutifs, de judiciaires, etc. Donc la question finalement, qui me paraît essentielle dans une société post-capitaliste, c'est quel État, quelle structure, plutôt qu'un État ou pas d'État. S'il y a d'autres personnes qui veulent répondre aussi, mais enfin, je voudrais répondre aux trois interventions rapidement et pas sur tout. D'abord sur la question de cette idée qui revient dans la première et dans la dernière intervention qui dit si nous nous organisons de façon mondiale, en fait, on est en train de recréer un État. Mais un État, c'est pas simple, ça veut pas dire que dès qu'on est organisé, on devient un État. Un État, c'est quelque chose de bien spécifique, c'est un organe qui est fait pour maintenir l'ordre dans une société divisée en classes. C'est un corps dans lequel il y a des antagonismes qui apparaît dans une société où il y a des antagonismes irréconciliables et où il faut un appareil qui vient soumettre par la force, par la pression, une partie de la société à l'autre. Les gens qui sont ici, on en a plein autour de nous, ils sont là pour maintenir l'ordre. Mais quel ordre ? L'ordre existant. La société actuelle. Et c'est fait en contradiction, encore pour le moment, ils nous laissent tranquilles, parce qu'on est sage, parce qu'il n'y a pas le mouvement, parce que les usines n'ont pas bougé, etc. Pour peu que ça passe, qu'on se passe de discussions comme ça entre nous où on échange, mais qu'on commence à faire la vérité, c'est-à-dire qu'on commence à prendre les usines en main, qu'on occupe les usines, qu'on commence à dire maintenant, Renault ne va plus produire des chars de guerre, mais nous allons produire ce que nous voulons. Maintenant, nous allons faire marcher les trains gratuitement. Parce qu'il y en a marre de faire payer pour quelque chose qui devrait être gratuit, là, on verra l'État intervenir. Mais ça, c'est valable uniquement quand une société est antagoniste. En soi, une organisation mondiale, ça veut dire simplement que nous pourrons prendre des problèmes comme est-ce que nous devons faire des satellites, est-ce que comment nous allons faire la distribution de l'eau au niveau mondial. Nous prendrons, avec des ingénieurs, avec toutes les connaissances, avec la participation de tout le monde, nous prendrons des décisions au niveau global, sans pour autant avoir une police, un appareil de répression, un État. Ça, c'est une première question. Sur les désirs infinis, et le fait que nous avons des désirs infinis, en soi, moi, ça ne me gêne pas, je ne vois pas ce qu'il y a de gênant. Et vous disiez les enfants, j'espère que les enfants viendront dans une société future, viendront nous secouer pour nous dire, attends, là, on s'installe, comme il n'y a pas de problème, on reste tranquille, non, qu'ils voudront aller plus loin, inventer, on ira peut-être sur d'autres planètes, où on inventera d'autres systèmes de vie. En soi, l'avidité, il y avait un groupe en 68, aux États-Unis, qui s'appelle le droit d'être avide. L'envie d'exploser, de réaliser, et même de découvrir de nouveaux besoins. Pour la première fois, nous pourrons le faire. Aujourd'hui, tous nos besoins ou nos désirs sont souvent déterminés par les valeurs actuelles, les valeurs que nous donne le système et qu'on nous matraque 24 heures sur 24 par les publicités, par la télévision, qui font comme dit Souchon, qui nous font croire que le fait d'avoir, c'est le bonheur. Non, il y aura une explosion des besoins, mais et en soi, ça sera pour la première fois des besoins véritablement humains. Pour la première fois, nous pourrons raisonner en tant qu'être humain et pas simplement en tant qu'objet du capital ou dépendant du capital. Enfin, sur le troisième point, la question du travail est très importante et c'est vrai, c'est une question qui est souvent complexe parce que le mot travail a principalement trois sens, qu'on emploie tout le temps d'ailleurs. Le premier sens et le plus général, c'est effectivement travail au sens de dire un effort continu, un effort assidu. Par exemple, quand un agriculteur va prendre son tracteur, il dit « je me mets au travail ». Quand un poète va écrire un poème et qu'il prend sa plume, il dit « je me mets au travail ». Tout effort assidu, on appelle ça travail. Le deuxième sens du mot travail, c'est le sens de produire une activité qui est spécifique et distincte des loisirs. C'est quand on fait une activité qui consiste à produire les besoins matériels de la subsistance. Le mot et cette distinction vient essentiellement de l'époque de l'esclavagisme. Les maîtres d'esclaves ne travaillaient pas, c'était un déshonneur. Les seigneurs féodaux ne travaillaient pas. Le travail s'était fait pour les esclaves, pour les serfs. Et la véritable vie, ça s'appelait autrement, c'était le loisir, c'était la vie. Ça, c'est le deuxième sens du mot travail. Et c'est le sens du mot travail le plus courant. Et quand aujourd'hui, on carte où les gens mettent fin du travail, c'est fin de ce travail-là. Du fait que c'est uniquement une partie de la société qui s'occupe de cela. Et pas et que ce n'est pas une activité qui se réalise. Le troisième sens du mot travail qu'on doit prendre est un sens plus général et en même temps plus global. C'est-à-dire que la création des moyens de subsistance, la production de notre vie matérielle peut devenir non pas une peine, une torture, mais un moyen d'épanouissement individuel. Et en ce sens-là, c'est vrai. Mais à ce moment-là, pourquoi garder le mot travail? Le mot travail, comme je l'ai dit, ça vient de tripalium, c'était un instrument de torture. C'était trois bâtons qu'on mettait comme ça et on attachait l'esclave, etc. Et on a gardé ce mot, pas simplement en français, dans tous les mots latins, c'est le pareil. Même Arbeit, par exemple, en allemand, vient aussi du mot d'esclave et de serf dans le passé. C'est ce travail-là que nous voulons éliminer. Ce qu'on veut éliminer, en fait, c'est la condition d'esclave, la condition de serf. Et ce que nous revendiquons, c'est que l'activité productive soit un moyen d'épanouissement. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes le seul animal qui est capable de changer le monde, de changer la nature et de se changer lui-même. Le travail, l'activité productive est le moyen par lequel nous pouvons nous-mêmes nous changer, nous produire nous-mêmes. Et c'est cela que nous revendiquons. Mais pour ça, je pense que la société future ne gardera pas le mot travail. Et que quand aujourd'hui on le nie, ils ont raison. Alors, moi, je rejoins ce que vous dites, monsieur, concernant le travail. Je voudrais juste revenir sur un truc concernant le bonheur et ce qui va remettre en lien avec l'aspect toujours du désir, pour toujours plus de désir face aux frustrations. Nous ne sommes pas des animaux qui voulons simplement avoir le bonheur. Alors, je m'explique. Un animal qui fait un travail pour donner à manger et qui après répond à ses besoins, par instinct, va répondre à tous ses besoins. Nous voyons le bonheur comme une situation où nous avons répondu à tous nos besoins. Nous n'avons plus besoin de rien. Nous ne voulons pas simplement ça. En cela, nous sommes déjà comme des animaux. Nous répondons à nos besoins au jour le jour et nous sommes heureux. Ce qu'on veut, c'est avoir conscience de notre bonheur. Parce que ce qui fait que l'homme dépasse l'animal, alors pas sur le plan évolution ou pas sur le plan structurel, c'est par le fait qu'il est capable de prendre conscience. On se dit « merde, j'existe ». Depuis notre petite tendre enfance, on se dit « putain, genre, je vois en moi, chez l'autre, quelque chose qui fait que comme moi, il peut vivre lui et avoir conscience du bonheur qu'il va produire ». Pour revenir à ce qu'il disait le monsieur avec le mot « travail » et l'aspect « état », Le travail est une version capitaliste du produire la vie. Un adulte qui se lève, qui va cueillir des fruits, qui observe la nature, qui promène son chien, qui court en fonction des mouvements que lui procure la nature, qui respire en fonction de l'air, il n'est pas dans une activité de travail, il n'est pas dans une activité sportive, il est dans une activité cosmique générique. Il produit, il va ramener de la nourriture pour ses enfants, il va ramener des graines qu'il va multiplier autour de lui pour sa famille, pour lui plus tard. Il produit de la vie, mais il ne fait pas du travail. Il est capable et il est prêt à faire ça toute sa vie. Une des raisons pour lesquelles on accepte de travailler, c'est parce que plus tard, on va avoir notre retraite et on ne va plus travailler plus tard. Donc on accepte de s'aliéner, et à nos 60 ans, bon maintenant c'est 62 ans, enfin bref, le débat n'est pas là, à partir d'un certain moment, on va recevoir de l'argent continuellement pour ne plus avoir besoin de travailler, parce qu'on ne veut pas travailler. On ne veut pas être réduit à un moyen des autres. Et c'est en cela que, alors pour revenir sur un propos que disait concernant l'utopie, c'est vous les utopistes, vous êtes des proudhonistes comme monsieur, vous pensez qu'on peut neutraliser, canaliser l'échange, les frustrations et tout centraliser autour d'États qui structurent ou à travers de religions qui taxent les riches, qui redistribuent aux pauvres. L'histoire a montré qu'un jour ou l'autre, on va se faire ronger par l'argent. Parce que posséder de l'argent amène à en posséder plus. Parce que posséder de l'argent sans rien en avoir, c'est de la frustration. Pour combler cette frustration, on va consommer. Pour continuer à consommer, on va acquérir encore de nouvelles frustrations en s'aliénant à travers du travail. Le jour où le système capitaliste se détruira de lui-même sera le jour où le capitalisme ne pourra plus produire sa propre production. Il n'aura plus de force pour produire, parce que c'est qui la force ? C'est nous. C'est nous qui faisons vivre à travers l'échange le travail. Et le jour où on sera rendu compte que quel que soit le système que l'on établit derrière, et je vous souhaite Nuit Debout, au mouvement Nuit Debout, de mettre en place, de destituer le président et de mettre en place une constitution populaire, mais vous verrez par vous-même qu'il y aura toujours de la frustration et que face à cette frustration, il y aura toujours une sorte de spirale autodestructrice qui mène encore vers encore plus de désir et encore plus de désir et encore plus de désir pour essayer de répondre à cette problématique de « est-ce que je suis dans le bonheur ?» Nous sommes déjà dans le bonheur. Prenons conscience du bonheur, et pour prendre conscience du bonheur, il faut redevenir humain. Dans ce qu'il y a de plus profondément humain, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a l'idée de donner sans rien attendre en retour. Que celui qui prétend qu'il n'est pas prêt à aider son prochain se montre devant nous. Personne ne le fait, parce qu'on veut tous subvenir aux besoins de notre prochain, mais on n'a pas envie d'être réduit à la personne qui a permis à la personne de vivre un peu plus longtemps. On veut être la personne qui vit déjà, qui a suffisamment conscience en elle pour continuer à vivre, et voir l'autre comme une autre vie qui va se donner conscience pour continuer à vivre. Il n'y a pas de travail là-dedans. L'homme, on a vécu des milliers et des milliers et des milliers d'années dans cette structure-là. Il y a une femme paléolithique qui date de 32 ans, je reprends le même exemple parce qu'il regroupe plein de problématiques. Elle est née sans la possibilité de bouger autre chose que sa tête. Les paléontologues ont cherché longtemps à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a été paralysée à la fin de sa vie. Elle est née sans la capacité de bouger autre chose que sa tête. Si vous êtes cette personne et que vous naissez aujourd'hui dans le 21e siècle ou au 20e siècle ou même au Moyen-Âge, vous allez être dans une situation où on va essayer de faire en sorte que vous puissiez consommer. On va essayer de vous apporter de l'argent pour que vous puissiez être un autre moyen, pour que les autres puissent continuer à travailler et continuer à échanger. Cette femme-là, on l'a laissée vivre à 32 ans. Au Moyen-Âge, un enfant est né comme ça, on sait qu'il va mourir, on l'abandonne. Il ne pourra plus travailler plus tard. On a vécu des milliers et des milliers d'années. On a caressé cette personne, on l'a chérie, on l'a nourrie, on l'a transportée. On n'attendait rien en retour de sa part. On l'a fait vivre dans son être. Juste pour finir et pour reprendre un autre parallèle, Coluche a créé les restos du cœur, voilà. Je donne de la nourriture sans rien attendre autour. Le capitalisme a dilué cette force radicale d'amour. Il a dilué. Aujourd'hui, on voit plein de superstars qui font leur pub, oui, il faut donner. Et ce sont des riches qui demandent aux pauvres de donner à des pauvres. Est-ce que vous vous rendez compte du bordel que c'est? La question n'est pas de savoir comment nous, les pauvres, on va se battre plus tard pour faire fluctuer l'argent, pour essayer de combattre les riches. La question va être de savoir comment abolir toute forme de richesse. On n'est riche que par rapport à l'autre. Si on arrête de regarder l'autre comme une valeur, il n'y a plus de richesse. Il n'y a que produire et reproduire la vie. Voilà. Donc, nous sommes éternels. Nous voyons en l'autre ce que nous pouvons être nous-mêmes. Et en cela, si la personne meurt, on prend conscience que nous sommes vivants et on refait et on recrée ce mouvement de vie. Donc, Jésus, qui au final a radicalement balayé toutes les discussions que l'on a eues à la Manif Debout, vous dit « aimez-vous les uns les autres ». Et il y a tout, donner de l'amour à l'autre sans rien attendre en échange. Absolument tout est contenu là-dedans. Moi, le Père intégral, je vais vers toi, toi le Fils, que j'incarne comme un autre Père, qui comme toi, parce que je sais que moi, tout tourne autour de moi, et je sais que toi, dans toi, tout tourne autour de toi. Et en communiquant, nous formons le nous, le Saint-Esprit, et le nous est éternel. Car le jour où tu mourras, je prends en conscience que tu seras mort, et nous produirons d'autres mouvements de vie. Voilà. Je vais me permettre de prendre la parole parce que je pense que c'est bien de respecter le tour de parole et de donner à chacun à la fois son tour de parole, son droit à la parole, son pouvoir de parole. J'ai pas peur de répéter les mêmes mots. J'ai une phrase que j'aime bien, qui est de moi, que je me permets de citer, non pas par narcissisme, mais au contraire parce qu'elle est inspirée d'un grand poète qui s'appelle René Char, qui dit « Ne t'attarde pas à l'ornir des résultats ». Et sur ce, ça m'a inspiré cette petite phrase qui dit « Ne t'attarde pas aux échos ». Et je trouve que tout à l'heure, avec ce monsieur, cher monsieur, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, il n'y avait pas d'écho, surtout dans la première partie. C'était très simple, c'était à la fois sensible, intelligent, structuré, raisonné et puissant. Et je trouve que la vraie force aujourd'hui, elle n'est pas dans les échos, dans ce qu'on veut faire de soi, dans ce qu'on veut faire de l'autre, dans ce qu'on veut faire du monde, et dans ce qu'on veut faire ensemble, quoi. Et la plus grande difficulté de l'homme et son plus grand défi, et là où on est des surhommes, c'est quand on veut voir plus loin que soi-même et même plus loin que l'autre. C'est quand on veut voir dans le nous, dans la globalité, pas forcément la globalité mondiale, dans le sens où tout serait normalisé, mais dans une globalité déjà à ce qu'on fait ce soir, aujourd'hui, tous ensemble, qui a un mouvement à la fois de parole et d'écoute. Et je trouve qu'on est relativement juste dans notre façon de prendre la parole. Et j'essaie moi-même d'être au plus près de moi et de mon écoute, de mes écoutants. Il y a des choses qui m'ont marqué. Je trouvais que vous étiez très juste sur la première partie, très simple, très percutant. Et évidemment, sur la suite, beaucoup moins percutant. Comment imaginer le monde futur à partir d'un monde donné qui est sclérosé, qui est malveillant, où des choses se percutent les unes les autres, où je connais pas très bien, mais je veux dire, le système, on sait tous très bien, surtout ici, qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, pour ne citer que les plus grands. Ensuite, je vais pas faire long, je voulais reparcourir à peu près tout ce qui m'avait traversé l'esprit. Mais je vais aller à l'essentiel. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est le travail. Je trouve que sans travail, on n'est pas heureux. Et avec trop de travail, on n'est pas heureux non plus. Et pour préciser, sans travail, quand on est SDF, qu'est-ce qu'on doit s'emmerder dans la rue? On est tout seul, on trouve des potes, c'est pas forcément les bons. On regarde les arbres, on apprend à regarder la nature. Mais il nous manquera toujours quelque chose de plus. Et c'est ça le désir infini de l'homme, c'est qu'on veut toujours se propager par-delà soi-même. Et même parfois dans l'éternité. Moi je rêvais d'être une petite boule éternelle qui persiste pour l'éternité des siècles durant. Et j'en étais très malheureux parce que j'étais vivant. C'est terrible. Alors comment faire? Mais déjà reproduisons-nous, c'est important. Donnons les prodiges à la de René Char, c'est-à-dire donnons les prodiges à la mort, donnons des enfants à la vie. Très important, je pense qu'il ne faut pas renoncer à faire des enfants. Ensuite, est-ce que le travail, pour moi, encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je travaille quand je colle mes mains les unes sur les autres pour aller mieux, parce que je fais un travail sur moi-même et que ce n'est pas évident. Je travaille quand j'achète une plante pour la cultiver chez moi. Je travaille quand je fais de la cuisine. Je travaille quand j'aime. Je travaille quand je fais l'amour. Je travaille à tout moment, toute mon existence est un long travail. Plus ou moins heureux, plus ou moins réussi. Si je pourrais donner juste un atout, une idée pour faire avancer les choses, peut-être que c'est là que réside l'essentiel, que chacun exprime une idée efficace, performative. Ce serait déjà de commencer par changer son quotidien à soi. Dans son rapport avec soi-même, dans son rapport avec son appartement, dans son rapport avec la nature, puis dans son rapport avec les autres. De faire ce que j'appelle la révolution des cœurs, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas un grand concept, c'est ni de la philosophie, ni de la métaphysique, ni rien. C'est juste de dire que la révolution, elle commence dans le cœur. Et que le cœur est un astre aussi. Donc il fait une révolution, il tourne sur lui-même, il se transforme. Et tout chacun qui n'a pas connu dans sa vie des moments bouleversants, des moments où on se transforme, des moments où on souffre éperdument, on est coupé de tout le reste du monde, pour aller vers le mieux, pour pouvoir se reproduire aussi. Parce que je pense que la reproduction est une nécessité physique qui a été perdue, mais aussi une nécessité psychologique, et aussi une nécessité mentale, et aussi une nécessité spirituelle. La seule chose que je dirais, c'est organisons-nous, réunissons-nous, allons dans les collectivités, essayons de répondre aux lettres que nous envoient nos voisins en nous disant on organise des choses à l'échelle du quartier. Essayons de prendre les choses par la sève, essayons de revenir à la terre, essayons de voyager, essayons de communiquer, essayons d'échanger les mails avec ceux avec qui on peut échanger les mails. Essayons de continuer des choses comme aujourd'hui, essayons de continuer à parler parce que c'est la plus grande force et c'est là aussi qu'on exprime son désir. Essayons d'acheter de nouvelles chaussures, essayons d'acheter des graines, essayons de faire des jolis dessins, de partager. Alors un dernier point, ce serait la culture. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire partager les pensées, parce que c'est ça qui porte en fait. Le corps, il est nécessaire, mais la pensée, c'est Dieu, comme dit Rimbaud, et non pas Nietzsche. Et je suis persuadé que c'est en faisant partager la parole, en allant au quotidien, moi, par exemple, vers les gens qui sont dans mon quartier, qui sont d'origine maghrébine, moi-même étant d'origine maghrébine par mon grand-père, en proposant des choses toutes simples, des gâteaux à des inconnus, des choses, des cigarettes à un SDF qui finira par nous donner une cigarette. Et je pense que la force, comme dit Rilke, elle est dans les particularités, dans les sèves, elle est dans l'ici et maintenant. Je ne dirais pas que le changement c'est ici et maintenant, ce serait trop déjà dit, on va dire, par un clown. Mais juste changer son rapport au monde. À chaque instant, à chaque moment, changer son rapport aux autres, et ça passe aussi par changer l'économie petit à petit. Alors, je pense que la vérité, elle est là. Moi, je souffre beaucoup du cœur pour des raisons psychologiques. Ça se sert. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de changer soi-même, on est capable de changer son rapport aux autres, et que si toutes ces consciences évoluent en même temps, on sera capable, même in extremis, de persister. Alors il est bientôt l'heure de terminer, donc je vais laisser notre intervenant conclure. Oui, je pourrais pas répondre à tout et commenter tout, mais il y a juste deux choses sur lesquelles vous avez insisté, c'est sur l'idée du bonheur. Et le fait que l'idée du bonheur est toujours une idée collective. Le mot fête, on ne fait pas la fête tout seul. La fête, c'est toujours collectif. Et ce qui est pire, c'est qu'on est probablement un des animaux qui peut se contenter de rien. Des fois, on est très heureux et on se dit, mais attends, mais il n'y a rien là. On est juste avec des copains, on a bu de verre, il y a une bonne ambiance, on est tranquille. Et souvent, et les classes dominantes, on profite beaucoup. On nous laisse dans une misère, etc. Simplement parce qu'on arrive à se contenter de très peu. Il faut effectivement garder cette idée de bonheur et savoir que c'est un des moteurs de la révolution, du changement. Une révolution, un changement, sortir de l'enfer qu'on est, échapper au destin dramatique dans lequel la société actuelle nous connaît, étant lui-même une source de bonheur et une source d'épanouissement. Enfin, il y a une autre question sur laquelle je voulais insister, c'est une personne qui insistait sur le fait que l'échange et l'argent devraient disparaître. Je ne sais pas si c'est exactement tel qu'il avait dit, mais il y a une idée qu'on nous inculque depuis petit, qui est l'échange est quelque chose de naturel. Nous ne donnons rien sans avoir une contrepartie. Et que ce serait quelque chose qui serait, depuis le début de l'humanité, l'échange marchand ferait partie de nos chromosomes. C'est totalement faux. Déjà, sachant que 99% de l'histoire de l'humanité, sinon plus, il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu d'échange marchand. C'est pas qu'il n'y ait pas d'échange, échange est un drôle de terme. Échange, ça peut être un échange non marchand. Tu me donnes une bise et puis je peux te donner une voiture, c'est pas la question. L'échange marchand, c'est je te donne quelque chose que si tu me donnes exactement l'équivalent de ce que moi je t'ai donné. Et c'est ça qui est prétendu être quelque chose qui ferait partie de la nature humaine. Déjà chez Aristote, ça fait donc déjà longtemps, il le dénonçait comme quelque chose dans laquelle on cherche le profit. Dans l'échange marchand, il y a toujours l'idée, si on est un bon marchand, je vais obtenir le plus possible de toi et je vais essayer de te donner le moins possible de mon côté. C'est ça la base du marché-échange. C'est ça le commerce. Et cette idée n'est pas absolument pas humaine. Pour commencer, si tout était rapport marchand, on n'existerait pas. Le simple rôle de la mère qui allait de son fils, il commençait à lui dire combien tu vas me payer. Il y a eu d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a eu aux États-Unis un type qui a un père qui a eu un fils qui a eu de l'argent, et il lui a demandé de lui rembourser tous les frais qu'il avait fait depuis le début de son enfance. Et le mec, ce qui est dingue, c'est que le mec l'a fait, il avait demandé une somme de faramineuse, mais le mec avait de l'argent, il lui a payé, et il n'a plus jamais parlé à son père. Mais si l'échange marchand régissait tout, si c'était ça que nous portions, on n'existerait pas. Même le capitalisme ne pourrait pas y en tirer profit. On a parlé du féminisme tout à l'heure. Si les femmes refusaient de travailler, si les femmes faisaient tout le travail qui est fait gratuitement et qui représente un pourcentage, il y a des gens qui l'ont calculé, la part du PIB mondial qui est faite simplement par les femmes gratuitement pour le plaisir, pour satisfaire les enfants. C'est cet échange-là, c'est cette vision d'un échange entre êtres humains, mais qui n'est pas marchand, qui est l'avenir. Le mouvement communiste au sens propre du terme, l'idée à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, c'est justement la négation de cette idée d'échange marchand. C'est ça qui est l'avenir, et c'est ça qu'on doit avoir comme boussole dès maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir éliminer du jour au lendemain tout et tout rendre gratuit, ce serait bien. Mais si nous perdons ça comme axe, si nous perdons ça comme but, tout ce que nous ferons peut être parfaitement dévié et transformé, récupéré en un mouvement pro-capitaliste. Voilà l'essentiel.